إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قبل أن نبدأ بالخطبة إن شاء الله، أطلب من الحاضرين أن يتقاربوا وأن يتزاحموا، بارك الله فيكم. ثم أعلموا أيها المسلمون أن الله عز وجل أوجد العباد من العدم، وأمدهم بالنعم، وكشف عنهم الكروب، والفطر السليمة تحب من أنعم وأحسن إليها، وحاجة النفوس إلى معرفة ربها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس، ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بمعرفة الله، ومحبته وعبادته. وأعرف الناس بالله أشدهم له تعظيما وإيمانا، وأكمل الناس عبودية، المعظم لله، المتعبد له بجميع أسمائه وصفاته. والله سبحانه وتعالى له من الأسماء أحسنها، وأسماؤه مدح وتمجيد، وله من الصفات أكملها وأعلاها، وصفاته صفات كمال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وله الكمال المطلق في كل شيء سبحانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وجميع ما في السماوات ومن في الأرض ينزهون الله عن كل عيب ونقص. قال سبحانه: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وكلهم يسجد لله. قال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وله عز وجل الخلق والأمر وحده، أتقن ما صنع وأبدع ما خلق، وقدر مقادير الخلائق، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والحكم حكمه، ولا يشاركه في ذلك أحد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، حي لا يموت. جميع الخلق تحت قهره وقبضته سبحانه، يميتهم ويحييهم، ويضحكهم ويبكيهم، ويغنيهم ويفقرهم، ويصورهم في الأرحام كيف يشاء. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. Chers musulmans et musulmanes, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé ses serviteurs du néant et les a comblés de ses bienfaits subhanahu wa ta'ala. Il épargne de ses serviteurs et les soulage des situations difficiles. Et les natures saines aiment ceux qui sont bienfaisants envers elles et ceux qui les comblent de bienfaits. Et sachez que le musulman a plus besoin de connaître son Seigneur que le besoin qu'il a de se nourrir, de boire et de respirer. Et nul ne peut connaître la félicité dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà qu'à travers la connaissance d'Allah, qu'en aimant Allah et en l'adorant. Et la personne qui connaît le mieux Allah sera celui qui aura le plus d'estime envers Allah Azzawajal, et celui dont la foi en son Seigneur sera la plus grande. De même que les personnes qui adorent Allah Azzawajal de façon parfaite sont ceux qui estiment Allah Azzawajal. Ceux qui connaissent Allah Azzawajal à travers ses noms et attributs. Allah Azzawajal a les noms les plus beaux. Ses noms ne sont qu'éloges et glorifications. Et il a subhanahu wa ta'ala les attributs les plus élevés et parfaits. et tous ses attributs sont perfection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait durant ses inclinaisons, pureté au détenteur du pouvoir absolu, au détenteur de la souveraineté absolue, le digne d'être orgueilleux et d'avoir la grandeur absolue. Allah subhanahu wa ta'ala, ses attributs sont la perfection même sous tous leurs aspects. Il disait sallallahu alayhi wa sallam, en s'adressant à Allah azza wa jal, je ne pourrai te louer comme tu t'es loué toi-même. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre proclame pureté à Allah subhanahu wa ta'ala et exempte Allah azza wa jal de tout moquement et de tout défaut. Il dit subhanahu, selon le sens, proclame pureté à Allah tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a dans la terre. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, se soumet à lui, bon gré mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et dans la terre. Allah azza wa jal, à lui la création et à lui le commandement. Il a parfait sa création subhanahu wa ta'ala et a décrété l'ensemble des prédestinations de ses créatures. Ceci avant d'avoir créé les cieux et la terre de 50 000 ans. Le jugement est donc le jugement d'Allah azza wa jal. Personne ne peut s'associer à lui dans le jugement. Nul ne peut repousser son décret et nul ne peut s'opposer à son jugement, subhanahu wa ta'ala. Il est le vivant qui ne meurt jamais. L'ensemble de ses créatures sont sous son pouvoir et sa souveraineté. Il les fait mourir et les fait vivre. Il les fait rire et les fait pleurer. Il les enrichit et les appauvrit, subhanahu wa ta'ala. De même qu'il les façonne comme il le souhaite lorsqu'ils sont dans les utérus. Il dit, subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas un être vivant qui ne tienne pas par son toupet. وَلَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ لتضر أحدا والله لم يكتب ذلك لم يضره أحد ولو اجتمعوا على نفعه والله لم يرد ذلك لم ينفعه أحد لا راد لعذابه إن نزل يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد لا يسأل عما يفعل والخلق يسألون قائم سبحانه وتعالى بنفسه مستغن عن خلقه ومهيمن عليهم جميعا مفاتيح الغيب عنده لا يعلمها إلا هو وأخفى علمها حتى عن الملائكة فلا يعلمون من سيموت غدا أو ما سيحدث في الكون قبل أن يكون ملك سبحانه يدبر أمر عباده يأمر وينهى ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع أوامره نافذة بحسب إرادته ومشيئته فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن ومن جملة شؤونه سبحانه أن يفرج كربا ويجبر كسيرا ويغني فقيرا ويجيب دعوه قال عن نفسه سبحانه وما كنا عن الخلق غافلين علمه سبحانه وسع كل شيء يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بعلمه لا تخفى عنده خافية استوى عنده السر والعلانية قال سبحانه سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار يسمع أصوات المخلوقين وهو على عرشه سبحانه قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات قالت رضي الله عنها لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وأفعال العباد في ظلمة الليل البهيم لا تخفى عليه. قال جل وعلا: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يرى سبحانه وتعالى وهو فوق سماواته دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الله سبحانه وتعالى. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que si la communauté se réunissait afin de porter atteinte à une personne, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas décrété à celle-ci, personne ne pourra atteindre, personne ne pourra porter atteinte à cette personne. De même que si la communauté se réunissait pour apporter un bien à une personne, alors qu'Allah azza wa jal ne lui a pas décrété celui-ci, personne ne pourra lui apporter ce bénéfice. Nul ne peut repousser le châtiment d'Allah Azzawajal lorsqu'il descend. Allah Azzawajal crée ce qu'il veut et il fait ce qu'il souhaite, subhanahu wa ta'ala. Il ne sera nullement questionné sur ce qu'il fait. Les créatures, par contre, elles, seront questionnées et devront rendre compte. Allah subhanahu wa ta'ala n'a nul besoin de ses créatures. Il a la prédominance sur eux. Les clés de l'invisible sont en sa possession uniquement, subhanahu wa ta'ala. Et il a caché la science de l'invisible, même aux anges. Ils ne connaissent pas, c'est-à-dire les anges, qui mourra demain. De même qu'ils ne savent pas ce qu'il va advenir. Ils ne savent pas si une chose va advenir que lorsqu'elle a lieu. Allah Azza wa Jal est le souverain qui gère les affaires de ses serviteurs. Il leur ordonne et leur interdit. Il leur donne et les prive. Allah Azza wa Jal élève et rabaisse. Et ses ordres sont appliqués selon sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il veut a lieu. Et ce qu'il ne veut pas n'a pas lieu. Il dit, subhanahu wa ta'ala, selon le sens, ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent. Chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle. Et parmi les œuvres qu'Allah Azza wa Jal accomplit, il délivre des situations critiques, il soulage les souffrances, il enrichit les pauvres et exauce les évocations. Il dit, subhanahu wa ta'ala, en parlant de lui-même, et nous ne sommes pas inattentifs à la création. La science d'Allah subhanahu wa ta'ala englobe toute chose. Il sait ce qui est passé, il connaît le présent, et sait ce qui devait avoir lieu et qui n'a pas eu lieu. Il n'y a pas un atome qui bouge dans cet univers sans qu'il ne bouge après l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre sans qu'Allah azza wa jal ne le sache. Rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune subtilité ni secret ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. L'apparent et le caché sont de même pour lui, azza wa jal. Il dit, subhanahu wa ta'ala, selon le sens, sont égaux pour lui celui parmi vous qui tient secrète sa parole, celui qui la divulgue, celui qui se cache la nuit comme celui qui se montre au grand jour. Toutes ces situations sont les mêmes et sont équivalentes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il entend subhanahu wa ta'ala l'ensemble des bruits de ses créatures. Alors qu'il est élevé au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala, Aïcha radiyallahu anha dit, louange à celui dont l'ouïe englobe l'ensemble des sons. Elle dit radiyallahu anha, celle qui s'est plainte, la femme qui s'est plainte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de façon secrète et cachée, Aïcha radiyallahu anha dit, j'étais dans un coin de la maison et je n'ai absolument pas entendu ce qu'elle disait. Puis Allah azza wa jal a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux. Et sachez que les œuvres de ses serviteurs, les œuvres que les serviteurs d'Allah azza wa jal accomplissent, dans la nuit la plus sombre, n'échappe pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit subhanahu wa ta'ala son le sens, qui te voit quand tu te lèves, c'est-à-dire la nuit, et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. Allah Azza wa Jal, d'au-dessus de son trône, voit une fourmi noire qui marche sur un rocher dans une nuit de pénombre. ثم اعلموا أيها المسلمون أن خزائن الله عز وجل ملأ ما في السماوات والأرض ويداه مبسوطتان بالسخاء ينفق سبحانه وتعالى كيف يشاء كثير العطاء واسع الجود يعطي قبل السؤال وبعده وينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ويقول من يسألني فأعطيه ومن لم يسأله سبحانه وتعالى يغضب عليه وأبواب عطائه فتحها سبحانه فتحها لخلقه فسخر بحارا وأجرى أنهارا وأدر أرزاقا ساق للخلق أرزاقهم فرزق النملة في قرار الأرض والطير في الهواء والحيتان في الماء قال سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ورزقه وسع الجميع فساق إلى الجنين رزقه وهو في رحم أمه كريم سبحانه يحب العطاء والكرم إذا سئل أعطى وإذا رفعت إلى غيره حاجة لا يرضى وكل خير فهو منه وما بكم من نعمة فمن الله ورزقه عز وجل لا ينفذ قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه ولو سأله العباد جميعا فأعطاهم ما سألوه لم ينقص ذلك من ملكه شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال الله عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر والثواب على العمل يضاعفه الله الحسنة عنده بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة والقليل من زمن الطاعة يكثره فليلة القدر خير من 1000 شهر وصيام 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر وإذا أنفق العبد مالا ابتغاء وجه الله رده له أضعافا مضاعفة ويزيد الله في السخاء فوق المنى فأعطى أهل الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وإذا ترك العبد شيئا من أجل الله عوضه الله خيرا منه الله عز وجل غني عن جميع خلقه وكل شيء مفتقر إليه قال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد Sachez, chers musulmans et musulmanes, que les trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachez que les trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala remplissent les cieux et la terre. Les mains d'Allah azawajal sont ouvertes. Allah subhanahu wa ta'ala donne comme il veut. Il donne beaucoup subhanahu wa ta'ala et sa générosité est immense. Il donne subhanahu wa ta'ala après, avant qu'on lui demande et après. Et il descend, subhanahu wa ta'ala, il descend dans les cieux les plus bas, chaque nuit, lors du dernier tiers de la nuit. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, en s'adressant à ses serviteurs, « Qui me demande afin que je lui donne ?» Et celui qui n'invoque pas Allah Azza wa Jal, et celui qui ne demande pas à Allah Azza wa Jal, Allah est courroucé contre lui. Sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, a ouvert les portes de la subsistance à ces créatures. Il a mis à leur disposition les mers et a fait couler pour eux des fleuves et des rivières. Et Allah Azza wa Jal leur accorde la pourvoyance en abondance. Allah Azza wa Jal amène aux créatures leur subsistance. Ainsi, il amène la subsistance des fourmis sous terre, et amène la subsistance des oiseaux dans les airs, et amène la subsistance des poissons sous les mers. Il dit subhanahu wa ta'ala, il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. La pourvoyance d'Allah englobe tout le monde. Allah Azza wa Jal donne la pourvoyance et la subsistance au fœtus dans l'utérus de sa mère. Allah Azza wa Jal donne, il est généreux et aime la générosité. Lorsqu'il est demandé, lorsqu'on lui demande, il donne. Et lorsque une demande est adressée à autre que lui, Allah subhanahu wa ta'ala est courroucé. Et tout bien provient d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas un bienfait sans qu'il ne provienne d'Allah. La pourvoyance d'Allah ne connaît de limite. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, voyez-vous ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné depuis qu'il a créé les cieux et la terre, cela n'a en rien diminué ce qu'il a en sa possession. Et si l'ensemble des serviteurs se réunissaient dans un seul et même endroit et demandaient, et que chacun demandait à Allah Azza wa Jal ce qu'il désirait, cela ne diminuerait en rien le royaume d'Allah Azza wa Jal. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith Qudusi rapporté par Muslim, Allah Azza wa Jal dit, ô mes serviteurs, si du premier au dernier, parmi les êtres humains et les djinns, se dressaient dans un seul et même endroit, et me demandaient chacun ce qu'il désire, je donnerais à chaque personne ce qu'il a demandé, et ceci ne diminuerait en rien ce que je possède, et ceci ne diminuerait ce que je possède que comme une aiguille que l'on trempe dans la mer retire de celle-ci. Allah Azza wa Jal décuple les récompenses. Une bonne action est multipliée chez lui, subhanahu wa ta'ala, par 10. Voire par 700 multiples, voire par des multiples, dont il est le seul détenteur, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal fait en sorte que des adorations accomplies dans un temps court apportent et donnent de nombreuses récompenses. Ainsi, la nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Ainsi, le fait de jeûner 3 jours par mois équivaut à jeûner toute l'année. Et lorsqu'un serviteur donne de ses biens dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, Allah le lui rend de façon multipliée. Allah Azza wa Jal donne au-dessus des espérances. Il a ainsi donné aux habitants du paradis ce que nul œil n'a vu, ce que nulle oreille n'a entendu et ce que nul cœur humain n'a ressenti. Et lorsqu'un serviteur délaisse une chose pour Allah, Allah Azza wa Jal la lui remplace par une chose meilleure. Allah Azza wa Jal est celui qui n'a besoin d'aucune de ses créatures. Et toutes ses créatures sont dans le besoin de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il dit subhanahu wa ta'ala, ô les hommes, vous êtes les pauvres ayant besoin d'Allah. Et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout. Et il est le digne de louange. أقول قولي هذا واستغفر الله. تزحم وتقرب بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ثم اعلموا أيها المسلمون أنه لا يبلغ العباد نفع الله فينفعوه ولا ضره فيضروه. علي كبير الكرسي موضع قدميه سبحانه، وقد وسع الكرسي السماوات والأرض، وعرشه أعظم مخلوقاته، وتحت العرش بحر ويحمل العرش ملائكة ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام وربنا عز وجل مستو على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وقدرته شملت جميع مخلوقاته وهي أي الخليقة ضعيفة عند الله وإن كبرت في أعين المخلوقين فالسماوات يطويها سبحانه يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أين الجبارون أين المتكبرون رواه مسلم. وإذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة وصعق أهل السماء وأول من يفيق جبريل والسماوات تخشى الله قال عز وجل تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن قال الضحاك رحمه الله أي تكاد السماوات يتشققن من فرقا من عظمة الله أي خوفا منه. الله عز وجل قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه رواه مسلم. وعرف الرسل ربهم فأكثروا له التذلل والتعبد والخضوع فكان داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما ونبينا صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وإبراهيم أواه لربه منيب ومن سلك غير نهج الأنبياء فقد ضل سواء السبيل قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que personne ne peut apporter un bénéfice à Allah, de même que personne ne peut porter préjudice à Allah Azza wa Jal. Il est le Très-Haut, le plus grand. Son repose-pied est aussi vaste que les cieux et la terre, et son trône est la plus immense de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal est en dessous du trône, il y a une mer, et supporte le trône des anges, entre le lobe de leurs oreilles et l'extrémité de leur épaule, la distance parcourue en 700 années. Imaginez donc l'immensité de ces créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que dire du Créateur? Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de son trône comme cela lui convient subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal n'a nul besoin de son trône et autre que son trône. Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir sur toute chose. Allah Azza wa Jal a le pouvoir sur toute chose et sa capacité englobe l'ensemble de ses créatures. L'ensemble de ses créatures sont faibles devant lui, même si ses créatures sont immenses auprès de ses créatures. Les cieux, Allah subhanahu wa ta'ala les pliera le jour du jugement. Puis, il les prendra de sa main droite et dira « Je suis le roi, où sont les tyrans ?» Où sont les orgueilleux? Puis Allah subhanahu wa ta'ala pliera les sept terres dans sa main gauche, puis dira, où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux? Rapporté par Muslim. Et lorsqu'Allah azawajal transmet une révélation, alors les cieux sont pris d'un cataclysme et tous les habitants des cieux s'évanouissent. Et le premier à se réveiller, Jibril alayhi salam. Les cieux redoutent Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit subhanahu, peu s'en faut que les cieux ne se fendent. Ad-Dahhak rahimahullah a dit en expliquant ce verset, c'est-à-dire peu s'en faut, Peu s'en faut que les cieux ne se fissurent de par l'immensité d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire de peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal est le Qayyum, celui qui se suffit à lui-même. Allah Azza wa Jal ne dort pas et il ne lui appartient pas de dormir. Les œuvres de la nuit lui sont élevées avant les œuvres de la journée. Et les œuvres de la journée lui sont montées avant les œuvres de la nuit. Son voile est de lumière. Et si Allah Azza wa Jal levait ce voile, la lumière de son visage brûlerait jusqu'à portée de vue, rapporté par Muslim. Et les prophètes et envoyés d'Allah Azza wa Jal sont ceux qui connaissent le mieux la valeur d'Allah Azza wa Jal. Et ainsi, ce sont ceux qui ont fait le plus preuve d'humilité, de crainte et d'adoration devant leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ainsi Daoud alayhi salam jeûnait un jour et rompait un jour. Et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit au point que ses pieds s'enflaient sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibrahim alayhi salam était un serviteur dévoué et repentant envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et celui qui emprunte une voie autre que la voie des prophètes et envoyés d'Allah, c'est alors trompé de chemin. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être. Alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée de sa main droite. Pureté à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقدرون الله حق قدره. اللهم اجعلنا من الذين يخافونك. اللهم اجعلنا من الذين يخشونك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الخاشعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.